Section 84 de l'Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 19, troisième partie. L'Empire fondé par Timur, suite, par Léon Kaoun. Conflit avec l'Empire Osmanli. De prétexte décent, pour dissimuler les ambitions et les colères contenues, sauver les apparences, il n'en manquait pas. Les meilleurs de tous étaient en Azerbaïdjan, pays turc. Bayezid y avait entrepris. Les Turcs d'Azerbaïdjan relèveraient-ils du Kaysir Erbrum ou du protecteur de tous les Turcs orthodoxes, du sultan Barlas, vrai Turc par le sang? C'est Timur de Barlas qui est le vrai Turc. Un Turcoman, Youssouf le Noir, envemina l'affaire à point nommé, prit parti, avec son clan, les Karakoyunlu, clan du mouton noir, pour ses gens de Roum, ses étrangers. « Envoie-moi Youssouf, écrit Timur à Bayezid, si tu ne veux pas que, par le choc de nos deux armées, tout ce qui est caché sous le voile du destin ne se découvre. » On retrouve le ton des romans de chevalerie que Timur avait tant lu dans sa jeunesse, dans ce cartel envoyé au foudroyant vainqueur de Nicopolis. De qui Youssouf servait-il vraiment les intérêts? Il est probable qu'il jouait double jeu. À coup sûr, en vrai turcomane ripuaire, il détestait les transoxianais, mais la folie qu'il commit au moment où Timur, maître déjà en Azerbaïdjan, en Mésopotamie après une terrible exécution militaire à Bagdad la rebelle, à Malatia et à Alep, c'est-à-dire au point stratégique d'où l'on commande l'Asie mineure et la Syrie, est tellement insensé, tellement profitable à Timur, à son plan de califat, qu'on peut la prendre pour un calcul. Au moment même où Bayezid se pose en défenseur de l'islam universel contre les prétentions de l'église provinciale de Transoxiane et la moinerie sectaire de Bokhara, son domlige, ce Youssouf qui l'a compromis, engagé, détrousse les pèlerins de la Mecque et lui met à dos un sacrilège. 1401. Timur exulte. Bayezid faisait filer les troupes vers Alep, Orfa et le Diyarbakir. Cependant, ce misérable Turcoman, Youssouf le Noir, pillait la caravane des lieux saints. Je vis arriver devant moi la troupe des suppliants qui implorait ma protection contre ce bandit. Je demandai des troupes aux villes et aux tribus. Dès que je les eus reçues, je partis de l'Azerbaïdjan au mois de Recep 804, avril 1402, pour faire la guerre au Khaïsar. On connaît le reste. Toutefois, il convient d'ajouter que malgré les exécrations officielles dont les historiens osmalis ont accablé Timur, il est resté populaire en Asie mineure. Les facéties de Khodjar Nasreddin le mettent fréquemment en scène et en font un personnage très bonhomme, quelque chose approchant le roi Dagobert chez nous. Le fait que la légende élaborée dans le peuple l'ait donné comme interlocuteur à un bouffon prouverait que les gens du commun se souvinrent sans trop d'horreur de sa visite. Du reste, Bayezid, vaincu et pris, l'honneur sauf, Timur n'avait plus rien à faire dans l'Ouest. S'il voulait réaliser son rêve de califat, c'était dans son domaine royal, dans sa chaire transoxiane, à Samarcande, qu'il pouvait et qu'il devait le faire. Il y rentra pour la 9e fois vainqueur, au milieu des fêtes, au mois de Moharem 807. Juillet 1404. Relations avec l'Europe, Espagne et France. C'est là que l'ambassadeur de Henri III de Castille, Don Ruiz González de Clavijo, le vit, entouré de toute sa splendeur, le lundi 8e jour de septembre. Et le seigneur était assis comme sur petit matelas de drap de soie frisé et s'appuyait du coude sur quelques coussins ronds. Et il était vêtu d'une robe de soie rose, sans broderie, et sur la tête il portait un chaperon blanc élevé, un sombrero blanco alto, avec un rubis balai à signer. et le Seigneur dit aux ambassadeurs d'avancer, et je pense qu'il le faisait pour les mieux voir, car il ne voyait pas bien, étant si vieux que les paupières de ses yeux étaient toutes tombantes. Vivement, ce vieux se redresse pour parler, s'anime. Et moi, je donne ma bénédiction à mon fils, votre roi. Il n'avait point besoin de m'envoyer de présent. Vous autres, et cette lettre suffisait. Au même instant, l'ambassadeur espagnol et ses compagnons assistent à un coup de théâtre, probablement ménagé par l'incomparable metteur en scène que fut Timour. On introduit l'ambassadeur de Chine qui vient demander le tribut aux représentants de la maison de Jagatai. Aussitôt, le seigneur, qui voyait les ambassadeurs d'Espagne assis au-dessous de l'envoyé de Chine, fait descendre celui-ci et met les Espagnols à sa place. Les rapports entre les Français et les Mongols n'avaient pas pris fin avec les croisades. Les principaux successeurs de Hulagu en Perse, Abaga, Argun, Ghazan, Khodabender, recherchèrent constamment l'alliance des princes français et des papes contre les Sarrasins d'Égypte. Argun écrivit au pape Honorius IV et au roi de France Philippe III. Sous Nicolas V, le chinois Buscarelli fut chargé de suivre cette négociation à la cour du Khan. Il revint en 1289 avec une lettre de ce prince à Philippe le Bel. Le Mongol faisait à savoir audit roi de France, comme son frère, que son corps et son os est preste à amitié d'aller aux conquêtes de la dite certe terre et de être ensemble avec le roi de France, enceste benoiste service. Après les conquêtes de Ghazan en Palestine, ses ambassadeurs parurent, en 1302, aux cours de France et d'Angleterre. En 1307, ceux de Khodabendech. Lorsque Timour eut conquis en Asie la place qui occupait les Gengiscanides, il reprit leur tradition d'amitié et d'alliance française, non plus cette fois contre les Sarrasins d'Égypte, mais contre les Ottomans. Sa victoire à Angora sur Bayezid semblait une revanche du désastre français de Nicopolis. Il écrit donc au roi de France, Charles VI, lui accusant réception de la mission d'un dominicain qui paraît s'être appelé François, et l'informant qu'il lui expédiait en ambassade le frère Jean, évêque de Sultanier. Il lui demandait de lui envoyer des marchands, assurant qu'il serait reçu avec honneur, car c'est par les marchands que le monde prospère. En réponse, 1403, Charles VI lui adressa une lettre des plus aimables. Sérénissime et invincible prince, il n'est contraire ni à la loi, ni à la foi, ni à la raison, que des souverains temporels, quand même ils seraient séparés par la croyance et le langage, s'unissent par les liens de la courtoisie, de la bienveillance et de l'amitié. Charles VI félicita Timour de la victoire que le Très-Haut lui avait accordée sur Bayezid. Il le remerciait de ses offres au sujet des marchands français et l'assurait de la réciprocité pour ceux des siens qui viendraient en France. La mort de Timour, l'éloignement des deux peuples, les guerres civiles de France, enfin le déclin de l'esprit des croisades, réduisirent ces correspondances entre la maison de Timour et celle de Valois à un simple épisode sans autre conséquence. Dernières années de Timour. Malgré son coup de théâtre à l'égard de l'ambassadeur chinois, Timour était loin d'être rassuré. En toute hâte, il rassembla ses troupes et se mit en marche, non pour aller conquérir la Chine, comme on le répète de confiance. Un homme tel que lui, qui avait lu les annales et qui connaissait les choses, savait très bien qu'à 70 ans, on ne conquiert pas la Chine. Mais pour couvrir le Turkestan contre une invasion des Chinois par la Pentapole et par l'Hexapole de Kasgar. Il partit de Samarcande le 28 décembre 1404, marcha droit au point stratégique accoutumé d'Otrar-sur-Cire, et là, épuisé par les fatigues, saisi de froid, s'alita pour ne plus se relever. Quand son médecin, Maître Faz Oula, lui dit franchement que tout espoir était perdu, en bon musulman et en grand roi, Timour ne s'occupa plus que des destinées de son empire et du salut de son âme. Pour successeur, il désigna son petit-fils, Pir Mehemed, le plus pieux et aussi le plus brave. Plusieurs fois, il demanda son fils préféré, Shah Rukh, resté dans son apanage de Khorasan, mais il était trop tard pour le faire venir. Le mourant recommanda qu'on porta son corps à Samarcande et qu'on le mit dans le tombeau qu'il avait fait construire pour son pire, pour le grand moine Saïd Bekhé, à côté de ce saint homme. Ne pouvant plus parler, il désigna, du geste, le molla Haybet Kula pour réciter les dernières prières et rendit l'âme à l'heure de vêpres, 7 Chaban 807, 14 février 1405, en paix avec son peuple de Transoxiane et avec l'Église de Dieu. À peine les obsèques célébrées, Khalil Mirza, fils du détestable Miran Shah, viola les dernières volontés de son grand-père, pilla le trésor de Samarcande et se révolta contre le successeur désigné, Pir Mehemed. Sa maîtresse, la fameuse Shad Imulk, poussait aux aventures ce garçon de 21 ans. Quand il fut vaincu, 1409, il accepta tout pour la garder et céda la place à Shah Rukh. C'est le fils de Shah Rukh, l'honnête et excellent Mehemed Turgay, plus connu en Europe sous son surnom d'Ulugh Beg, le grand prince, qui fit construire à Samarcande, 1428, l'observatoire où furent calculées les tables astronomiques dites d'Ulugh ou tables gourganiennes. Lorsque Shah Rukh mourut en 1446, Ulugh lui succéda. Mais ce prince savant n'avait pas la vigueur nécessaire pour mener la rude aristocratie transoxaniaise et s'imposer au tout-puissant clergé. Son propre fils, Abd ul-Latif, se révolta contre lui et le fit assassiner. 1449. L'histoire des royaumes nationaux et bigots de Transoxiane, de Khwarezm, de Turkestan et de Khorasan commence par un parricide. La civilisation de la Transoxiane, art et littérature. En rompant avec la tradition chinoise, telle que les Turcs puis les Mongols l'avaient interprétée, en se livrant sans restriction à l'Église transoxianaise orthodoxe, les Turcs d'Asie centrale commençaient une vie nouvelle. Pendant près d'un siècle, la philosophie, la littérature et l'art de l'islam les imprégnèrent si profondément qu'ils devinrent étrangers au sol natal, cessèrent de se comprendre entre eux. Les Turcs transoxianais du XIIIe siècle et jusqu'au Kipchak du Caucase et de Russie, bien que musulmans, reconnaissaient les leurs parmi les braves qui venaient du Khatai lointain, sous la bannière mongole. À la fin du XVIe siècle, s'ils entendent encore leur langage, s'ils ne peuvent renier leur parenté par le sang, ils repoussent avec horreur le contact moral avec les infidèles. Ceux de l'Est ne sont plus, pour eux, que des Chinois, ceux du Nord-Ouest et de l'Ouest que des Kalmaks, c'est de ce mot que nous avons fait Kalmouk, et des Nogaïs. Malgré leur aversion pour les Tadjiks et leur haine contre les hérétiques iraniens, ils se sentent plus près d'eux que de ces mécréants. J'ai fait remarquer combien le génie turc est réfractaire à la controverse et à la théologie, naturellement disciplinée. En acceptant l'islam comme religion d'État, les Turcs de Turkestan, de Transoxiane et de Khwarezm l'adoptèrent en bloc, sans réflexion, sans discussion, militairement comme une consigne. Pendant 100 ans, les moines et les théologiens de Bokhara purent leur pétrir le cerveau à loisir, sans trouver personne pour les embarrasser d'une contradiction, d'une subtilité ou d'une simple glose. Ainsi, la Renaissance dans l'Asie centrale ne fut pas autre chose qu'un recommencement du Moyen-Âge. Pendant que les Européens, dans l'éblouissement de l'Antiquité retrouvée, se lançaient audacieusement vers l'inconnu, vers la libre recherche, vers la révolte, les Asiatiques, jusqu'au XVe siècle, leurs égaux, se laissaient docilement reconduire à l'école, telle que l'avaient conçue les docteurs et les savants du califat orthodoxe. Ils découvrirent comme une nouveauté l'aristotélisme déformé par les Arabes, revinrent à l'Almageste, se plongèrent dans Avicenne, leurs compatriotes, recommencèrent en Turc l'époque des Samanides, piétinèrent sur place. Toute leur activité intellectuelle, et ils en avaient autant que d'autres, se dépensa en scolastique, en jurisprudence, en rhétorique. À grands efforts, ils reconstituèrent Euclide, Ptolémée, Galien, Hippocrate. À peine osèrent-ils toucher à Platon. Aller plus loin, c'eût été se perdre. Peu à peu, les moines aidant, ils en vinrent à ne plus penser qu'à leur salut, et se contentèrent du Coran et des sommes qu'ils avaient inspirées. À l'âge de 20 ans, changea ma place. Par la gloire de Dieu, à la grâce du pire, je restai entièrement. Au XVe siècle, le sacrifice était consommé. Le Turc avait abdiqué au spirituel entre les mains de son pire, au temporel entre celles de son sultan. Les indépendants, les mauvaises têtes, s'en allèrent dans l'Inde chercher fortune avec Baber. Dieu lui-même extermina ces impies. Un jour, on entendit une voix qui venait du ciel et qui disait « Khan Babur, Ali, our, our !» Le Khan Babur qu'on l'assomme, l'assomme. Sur quoi le peuple se jeta sur Babur et l'assomma sur place. Voilà ce que les Turcs de Fergana se rappellent de leur souverain, du grand Mongol, descendant de Tchingis et de Timur, aïeul d'Abkar et d'Aurengzeb. Ce XVe siècle, si funeste aux Turcs d'Asie, ne fut pas sans gloire. La transformation s'accomplit au milieu de tout l'éclat que peuvent donner aux lettres et aux arts, la scolastique et la rhétorique enseignées par une église d'État et surveillées par l'Inquisition. L'église, inflexible au fond, fut assez souple sur la forme, confiante en Dieu et laissant le temps faire son œuvre. Elle ne choqua point directement le goût des arts plastiques et la vie facile qu'une longue éducation chinoise avait fait pénétrer dans le sang turc. Mais elle insinua doucement qu'à ce grossier matérialisme on s'abaissait et offrit un idéal plus élevé aux âmes vraiment nobles. En ce monde, châteaux et palais de construire, il n'est point besoin. À la fin, ruines ils deviennent, de villes bâtir, il n'est point besoin. Au XVe siècle, l'église transoxanaise laissa les Turcs bâtir, peindre, sculpter et se griser, jusqu'à ce que tout le monde vit clairement qu'il n'était pas besoin. Cessa de boire et laissa toute cette architecture, la grâce de Dieu, s'en aller en ruine. Du reste, les riches dotations des Timourides, les splendides mosquées, les abbayes superbes, les chapelles, les œuvres pies, excusaient leurs débauches artistiques. Timour aimait le luxe, les arts, la grande vie. Clavigeau raconte qu'il avait ramené de ses guerres tant d'artisans qu'à Samarcande. Faute de place pour les loger, on les faisait camper dans les jardins et dans les grottes qui sont autour de la ville. À Kek, on fit visiter à ce gentilhomme espagnol la chapelle que le seigneur, c'est toujours ainsi que Clavigeau appelle Timour, édifia sur le tombeau de son père, où le dit seigneur faisait distribuer chaque jour 100 moutons cuits aux pauvres pour l'âme de son dit père. Et le palais, et les jardins, et les appartements des dames, et d'autres bâtisses auxquelles on travaillait depuis 20 ans. Devant tous ces portiques et ces cloîtres, et ces mosaïques de pavement, et ces azulejos, ces marbres, ces faïences d'or et d'azur, le bon Hidalgo s'émerveille et s'écrie que d'ici à Paris, où sont les artistes les plus subtils, tout le monde serait dans l'admiration. Et à Samarcande, c'est bien autre chose. Et cette mosquée, dont Baber, fin connaisseur, fait l'éloge. Et ces jardins et ces ménageries où l'on voit des daims, des faisans et des éléphants. Et cet arsenal où 1000 ouvriers travaillent quotidiennement à faire cuirasses garnies et bassinets. Et ces salles peintes à fresques, et ces bains et ces hôpitaux, et cette grande rue marchande que le Seigneur fit percer, abattant les maisons à droite et à gauche. Il est vrai que les corporations réclamèrent. Les moines firent des remontrances. À quoi le Seigneur répondit que ce quartier était à lui, qu'il l'avait acheté des Sédoniers, et qu'il leur ferait voir les chartes, mais que pour l'amour de son peuple et d'eux, il rachètera à beau denier le terrain pris. À côté des ouvrages d'art et de luxe, Timour ne négligea point les travaux d'utilité générale. Sous son règne, la sériculture prit une grande extension. En Transoxiane, les canaux d'irrigation couvrirent les campagnes d'un réseau bien surveillé. La culture du coton fut développée, le chanvre et le lin furent introduits dans le pays, des papeteries fondées près de Samarcande, un pont de bateau établi sur l'Oxus. De toute manière, on cherchait à s'affranchir de la Chine et de son hégémonie industrielle. Le goût des bâtisses et de la peinture continua sous les successeurs de Timur. Babert donne la liste et la description des principaux monuments qui firent élever ces princes. À Samarcande, l'avenue de la Porte des Turquoises, le kiosque où sont peintes à fresque les batailles de Timur dans l'Inde, les bains du Mirza, construits par Ulugh Beg, la chapelle découpée ornée de peintures à la chinoise, l'observatoire d'Ulugh Beg, le Bagh-i-Meydan, jardin de l'esplanade, avec le bâtiment des 40 colonnes, et le cabinet en porcelaine de Chine, la chapelle de l'écho, etc. À Herat, le jardin d'Alishir, la papeterie, le palais du trône, belle vue, la blanchisserie, le bassin aux poissons, le palais de cristal, le jardin de Zobéide, les 12 tours, le marché royal, le grand marché, l'hôtel d'Alishir, connu sous le nom d'Intimité, son mausolée et la grande mosquée attenante, dite la sainteté, son collège, dit la pureté, son couvent, appelé la purification, ses bains et son hôpital, surnommé la propreté et la santé. Quand on considère qu'Alishir était simplement un homme de lettres, on se figure la considération que les Timourides témoignaient aux écrivains et aux artistes. Herat était d'ailleurs la ville artistique par excellence. Babert raconte qu'à un souper au palais de la joie, dans le salon où Sultan Abu Saïd a fait représenter ses combats et ses faits d'armes, on donna un concert devant lui. Parmi les musiciens étaient Hafiz Hadji, Jelal el-Din Mahmoud, le joueur de flûte, et Shadi Betchay, le harpiste. Les artistes de Herat chantent sans forcer la voix, avec grâce et en mesure. Le prince Jihangir avait fait venir un musicien samarcandais qui chantait à pleine voix, durement et inégalement. Les Khorasanais se bouchaient les oreilles, faisaient la grimace. S'ils ne chutèrent pas, ce fut par respect pour le prince. De tous les arts, la musique, moins persécutée par l'Église, c'est le mieux maintenu en Transoxiane et en Khorasan. Les airs turcs modernes d'Asie centrale sont agréables pour une oreille européenne, voire pantoufle. La miniature, et en particulier celle de portrait, tint bon. Malgré l'islam, pendant tout le XVe siècle, les bons manuscrits d'Alishir, que possède notre bibliothèque nationale, sont ornés de miniatures qui ne le cèdent pas aux ouvrages occidentaux de la même époque. Babert cite, parmi les peintres, Bizad, artiste d'un talent très délicat, mais qui donnait un mauvais développement aux visages imberbes. Shah Muzaffer, qui écrivit aussi une œuvre littéraire relative à la vie mystique. Parmi les musiciens, Meravid, Kul Mohamed, qui tenait le premier rang pour l'art avec lequel il composait le prélude, et son habileté incomparable dans le développement du thème. Sheikhi, qui entendant n'importe quelle mélodie disait de suite « c'est d'un tel ». Shakuli, Hussein, que le brutal Sheibani fit souffleter par un de ses gendarmes parce qu'il faisait des façons pour jouer devant lui. Ghulam Shadi, fils d'un chanteur. Bou Seïd, qui se piquait, lui, poète et compositeur, d'être surtout le premier lutteur de son temps, etc. Avec Timur, la langue turque avait triomphé de l'iranienne. Les hommes de la Renaissance transoxianaise écrivent en jagatai et non plus en persan. Avant eux, le turkestanais Khoja Ahmed Yizevi, le premier et à mon avis le plus grand des poètes turcs d'Asie centrale, avait déjà écrit en langue vulgaire. Mais la langue savante et la langue de cour étaient le persan, comme on le voit par les ouvrages historiques écrits à la commande des princes mongols, par Jouveini, Rachid Reddin, Yassaf, etc. Le Turc s'imposait tellement, surtout après Ahmed Yezevi, que les ouvrages de propagande religieuse et d'édification, tels que le Miraj Namer, Livre de l'Ascension, 1442, le Bakhtiar Namer, Livre de la Fortune, 1432, le Tezkeret Ul Evila, Attestation des Saints, sont en dialecte et en caractère oïghour. Ce n'est qu'après 1450 que l'Église musulmane se croit assez forte pour proscrire ce vieil alphabet nestorien et imposer l'écriture arabo-persane. Jusqu'à cette date, pour son œuvre de propagande chez les Turcs, elle est obligée de se servir du système graphique apporté jadis dans le Pélou par les moines jacobites. À partir du XVIe siècle, on ne verra plus en Asie centrale ces glorieux caractères de la stèle de Göktekin, avec lesquels les rois turcs et les empereurs mongols ont fièrement fait gosseiller leurs missives aux empereurs de Constantinople, de Chine, d'Allemagne, aux papes de Rome et aux rois de France. L'écriture nestorienne avait résisté même au bouddhisme, même à la littérature chinoise qui a dévoré et englobé les anciennes écritures de l'Inde, de l'Indochine, de la Corée, du Japon. Il a fallu l'islamisme pour la tuer chez les Turcs. Seuls les Mongols et les Mandchous ont bravement et pieusement, malgré les Chinois et malgré le bouddhisme, gardé le vieil alphabet chrétien dont se servait le Wang Can, prêtre Jean, et l'empereur inflexible. Parmi les principaux écrivains transoxianais et khorassanais du XIVe siècle, il faut citer, après Timur lui-même, dont les Tezukat sont une œuvre hors pair, et son petit-fils Khalil. On a de lui des vers en persan conservés par Ali Shir. Les mystiques Seyyid Ali Hamadami, mort en 1384, Khoja Behaeddin, mort en 1388, le véritable fondateur des Naqshbandi, les poètes Latfoula de Nishapur, Kemal Eddin de Khojend, Ahmed de Kerman, auteur d'une vie de Timur en vers, le jurisconsulte, grammairien et exégète Tefzani, 1322-1381, le lexicographe Djezeri, auteur du plus volumineux dictionnaire arabe. C'est au siècle suivant qu'écrivirent Mevlana Abdurrahman Jami, le divin, exégète, moraliste, philosophe, grammairien et poète. Souheili, le traducteur des fables de Bidpai, Mohin Eddin, le dispensateur de lumière, un mystique, mort en 1433, Atifi, auteur d'une vie de Timur en vers, plus estimée que celle d'Ahmed de Kerman, Bokhari, qui enseigna la rhétorique à Ulugh Beg, Hussein Kouberaï, descendant du grand Nejd Eddin Kubra, tué par les Mongols à Urgenj, au temps de Gengis Khan. Le satirite Mola Binay, renommé pour ses réparties, mort 1516. Mehmed Sali, l'auteur de l'épopée intitulée Sheybani Namer et de l'arrangement en turc du fameux Majnun et Leyla. Elali, l'auteur du roman en vers Shah ou Dervish, roi et moine, que le sceptique Baber qualifie d'ouvrage inconvenant. Par-dessus tous, et avant tous, Mir Ali Shir Nevai, historien, moraliste, poète, le véritable créateur de la langue Jagatai classique, parfait gentilhomme au demeurant. On sait tout ce qu'il y avait de distinction dans la nature d'Ali Shir. Cette élégance de manière, que le public attribuait à sa haute fortune, était innée chez lui, et il ne s'en départit pas un instant, tout le temps qu'il demeura en disgrâce à Samarcande. Depuis qu'on fait des poésies en langue turque, personne n'en a fait d'aussi nombreuses et d'aussi excellentes que lui. Les hommes de mérite et de talent n'eurent jamais un appui comparable à Ali Şîr. Il a été donné à bien peu d'hommes de faire le bien au même degré que lui. Il n'eut jamais ni fils, ni fille, ni famille. Il parcourut la vie dans de merveilleuses conditions d'indépendance. Après avoir débuté par être garde des Sceaux, il parvint à la dignité de Beg dans son âge mûr et conserva quelque temps le gouvernement d'Atterabad. À la fin, il renonça à la carrière des armes. Ce portrait, tracé par Baber, donne une idée suffisante du parfait honnête homme tel qu'on le concevait en Transoxiane à la fin du XVe siècle. Parmi les moralistes, il convient de citer Ozani de Kiva et surtout Obeid Ulahar, qui pratiquait sa devise « Ma pauvreté est mon orgueil », en cultivant lui-même son petit champ. Il mourut en odeur de sainteté en 1489 et sa tombe est un lieu de pèlerinage à Samarcande. Mevlana Fasid ed-Din, mort 1511, et Mola Aboul Gafour, 1510, sont encore classiques aujourd'hui pour leurs ouvrages de dogmatique et d'exégèse. Le Débistan, école des religions de l'Orient, a été composé à la même époque par un anonyme. À la fin du XVe siècle également, le géographe Jami écrivit son livre sur l'Inde et sur la Chine. Parmi les historiens, on connaît assez Shérif ed-Din, Abdur Rezak et Mirkonde pour que je n'en dise rien de plus. En terminant, je nomme le meilleur de tous, le maître prosateur en turc Jagatay, le grand mongol Baber. Après lui, la décadence fatale commence et on ne trouve plus, hors de la littérature orale, que le rude Aboul Igazi, khan de Kivia au XVIIe siècle, qui a su garder, dans son turc sans façon mais non sans art, la mâle et nerveuse sobriété des grands ancêtres. Fin de la section 84. Fin de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États, 1270-1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud.